operator. Comme la vie des flics devant le rap. Et le cauchemar continue. Il faut que je marche comme avant. Mais les gosses partent en vrille à 8 ans. On marche en gang. Je viens d'un coin où ça braille. Ça parle pour rien dire. Faut que je rentre à Paris. Que je retrouve la famille. Hier j'ai prié. Et mec, demain je veux briller. Demande à Bakri comment on ramenait les billets. J'ai pas oublié qu'on a essayé de nous salir. Je suis pas dans le nouveau groove, mais j'ai plus de salir. Anthony Drancy, Genève, Lyon, Place d'Italie. Y'en a vite assez quand dans un où on se lasse. Et je croise les doigts. Je veux la renommée de Brassens. Mec, je crois que c'est bon. Je vais faire croquer le poste. Sans reflet, j'ai fléchi. J'aurais mieux fait de réfléchir. J'ai croqué les étapes, je suis dans la merde. Ouais, je représente le square et ses alentours. Sur le terre-terre, c'est là que je veux qu'on m'enterre. Sans reflet, j'ai fléchi. J'aurais mieux fait de réfléchir. J'ai croqué les étapes, je suis dans la merde. Ouais, je représente le square et ses alentours. Sur le terre-terre, c'est là que je veux qu'on m'enterre. Le square. Ouais, c'est le square. Ouais, le square. Là pour le square. Avec le square. 2007, le square. Tu roules avec le square. T'inquiète. Putain c'est rude, les Aztecs m'ont radié, c'est Rastec. Sont de la famille du chef brigadier, la démerde. Car la rue c'est pas ta mère. Si t'es en galère, prends tes thunes et barre-toi. Casse-toi, prends-toi, la NPE t'a grillé. Comme Zoxy, c'est à mon tour de briller. En vrai j'ai le seum, comme un sonax. Ils veulent m'endormir mais je suis insomniaque. Mon mal de tête finira dans une chaussette. À chaque mille chèques, j'ai plus d'inspire que Shakespeare. Pire, petit je voulais être un G.I. Joe. Mon pote est mort, jamais. Je lui ai dit adieu, imagine que j'aurais pété les plombs. Quand le chétan me disait vas-y fais péter une bombe. À coup de fusil à pompe, j'aurais fait péter la bombe. Et j'aurais pris perpète avec un flingue sur la tempe. Décidé à prendre les armes, estimé à prendre les âmes pour des ânes. On carbure de la tise et pas de la tisane. Je brûle mon cocktail pour Bouna et Ziad, porc et poulet. J'en fais des grillades qu'on graise même ap. Wesh rebeu, rébu, pisté pour Wellou, pas relou, pisdé. Même pas me laisseront aller pisser. Avec un laissé passer venu ici pour la maille. Mon daron m'a mis en mission, faire péter ton pays, ma ta nation, ma notion, nos traditions, de mots d'ordre, invasion, évasion. Alors écoute bien, le soldat algérien en chien, soldat islamique d'Afrique, toujours entouré des têtes cramées, broliqués, chien de guerre, balafré, écorché. On s'en bat les couilles, la vie on la prend comme elle vient. Et vu qu'elle veut me la faire à l'envers, je l'encule dans une colère, en faire pleurer ta mère. Mon intuition meurtrière sont les institutions, des instituteurs en temps de détention. Deux choses prennent mon attention, l'argent, les brigades de putes en faction, une fracture de facteurs, la violence en insouciance avec la haine. Qu'on ramène du bon shit, d'une paire d'Armax. Je roule maniaque, c'est une petite tasse dans le bloc. Et c'est relax. Sans reflet, j'ai fléchi. J'aurais mieux fait de réfléchir. J'ai croqué les étapes, je suis dans la merde. Je représente le square et ses alentours. Sur le terre-terre, c'est là que je veux qu'on m'enterre. Sans reflet, j'ai fléchi. J'aurais mieux fait de réfléchir. J'ai croqué les étapes, je suis dans la merde. Je représente le square et ses alentours. Sur le terre-terre, c'est là que je veux qu'on m'enterre.